résonne mais se brise au vent. Chaque cri s'efface, faible et absent. Radesque au reste, solide et franc. Un feu qui brûle à travers le temps. Vous bâtissez des murs de poussière, des vérités mortes, des ombres amères. Chaque phrase criée se perd dans l'air. Des échos vides, un culte précaire. Moi je marche droit, sans détour. Chaque mot gravé nourrit mes jours. Ride is kill vie, clair et précis. Un roc debout, rien ne m'affaiblit. Suivent des rois faits de fumée, des trônes fragiles, vite consommés. Leur couronne tombe dans l'oubli, leur voix s'éteigne, je reste ici. Moi je n'ai pas besoin d'apparat, chaque cicatrice parle pour moi. Rider's Kill trace, sans illusion, ma vérité vit sans concession. Oh se meurt dans des reflets, mais vos mirages s'effacent à jamais. Moi je persiste, franc et léger, un feu sacré que rien n'éteint vite. Vos échos meurent, vos voix s'effacent. Chaque mensonge finit en trace. Rider's Kill vit, fidèle et vrai. Un nom que rien n'éteindra jamais.